Osmose Radio. Osmose. La web radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Osmose Radio, vous êtes avec Stéphane pour une heure de rock et de new wave dans l'heure du loup. Et pour commencer cette émission, une émission thématique ce soir, une émission un petit peu spéciale pour rebondir sur la playlist Halloween que je vous avais proposée la semaine dernière. Ce soir ce sera une playlist consacrée au Mexique à l'occasion du fameux Dia de los Muertos dont je vous parlais la semaine dernière. Et pour nous mettre dans l'ambiance, eh bien c'était un morceau d'un groupe, d'un fameux groupe anglais de la fin des années 70 et des années 80, Siouxsie and the Banshees, avec le titre El Dia de los Muertos. Un morceau qui détonne un petit peu dans leur discographie, hein, ça va chercher du côté des tropiques et des univers latinos. El Dia de los Muertos, cette fête qui correspond à la Toussaint, mais chez les Mayas et chez les Aztèques. Voilà, Siouxsie and the Banshees, pour commencer cette, pour ouvrir cette playlist consacrée au Dia de los Muertos et plus généralement au Mexique. Et pour nous mettre dans l'ambiance, pour continuer un petit peu, on va continuer avec avec Dionysos et Olivia Ruiz qui interprétaient Candy Lady. Vous savez, Candy Lady, c'est un petit peu, ça fait penser un petit peu à ces confiseries en sucre qu'on trouve au Mexique à l'occasion des fêtes religieuses, des calaveras, tout ça. Et on va commencer cette émission avec le flegme d'un hidalgo mexicain, avec la nonchalance d'un fantôme aztèque ou maya. Et tout de suite, je vous propose Candy Lady. My candy lady, your lips is like a bird. How wild is the strawberry that substitutes your tongue? Es la suavidad de tus besitos. I will be if I keep you close to me. The broken man like me is not used to be good for making families. Candy Lady, Candy Lady, une dame en sucre. Ben moi, je sais pas, moi ça me fait penser à ces confiseries qu'ils ont au Mexique à l'occasion notamment des fêtes religieuses et notamment du Dia de los Muertos qui se trouve être le 2 novembre. C'était la semaine dernière, c'était tout récent. Et pour jouer les prolongations pour les fêtes de la transition octobre-novembre, la Toussaint, Halloween, tout ça, eh bien j'avais envie de faire un petit hommage comme je l'ai fait l'an dernier à cette fête mexicaine tout à fait singulière et qui est vraiment ancrée dans leur folklore, très colorée, très chamarrée, avec des références à la mort tout le temps, mais pour se la réapproprier, pour la tourner en dérision et pour en profiter un petit peu pour s'amuser pendant ces beaux jours d'automne. Et donc ce soir, ce sera un petit peu l'objet de la playlist avec Siouxsie and the Banshees, El Día de los Muertos pour commencer, Candy Lady de Dionysos pour continuer et la playlist qui vient, chers amis. Alors le Día de los Muertos, c'est quoi? Je vous l'ai dit en quelques mots, le jour des morts pour ainsi dire. Ça se trouvait être le 2 novembre. En fait, c'était une fête qui avait des racines avant l'arrivée des Espagnols, puisque les Mayas la fêtaient déjà. Et tout ce qui a trait à ce folklore a été christianisé, bien entendu, avec la conquête espagnole. Et du coup, ça a été assimilé peu ou prou à la Toussaint. Mais bon, ça reste quand même une fête folklorique très importante là-bas. Il y a vraiment des tas de trucs assez mignons. Alors, je vous disais, Candy Lady, ça me fait penser à la Catrina, ce personnage du folklore mexicain. La Catrina, en fait, c'est une dame très très bien habillée, vraiment une bourgeoise, une dame de l'aristocratie. L'un ou l'autre, en tout cas quelqu'un de très très élégant, et quand on s'approche un peu on voit qu'en fait il s'agit d'un squelette. Voilà, c'est un peu l'objet, le principe des memento mori tels qu'ils existaient au Moyen-Âge chez nous, mais appliqué à l'imaginaire foisonnant et multicolore du Mexique. Voilà chers amis, si ça vous intéresse je vous mettrai quelques illustrations sur internet, sur le Facebook de l'Heure du Loup. Une playlist consacrée au Mexique ce soir. Alors quand je vous dis le Mexique, la musique, vous avez forcément des idées, les mariachis tels qu'on peut les entendre en arrière-plan ce soir, évidemment. Je vous parlais de la nonchalance des Mexicains et vous avez forcément quelques références par rapport à ça, quelques références musicales notamment. Eh bien, vous avez aussi peut-être quelques extraits de bandes originales de films, notamment peut-être qu'en voyant le film sur Frida Kahlo, qui était sorti il y a une dizaine d'années, vous avez pu réentendre ou redécouvrir une chanson de Chavela Vargas qui s'appelle La Llorona. Qu'est-ce que c'est La Llorona? En fait, c'est un fantôme du folklore, là encore mexicain. Un fantôme, une dame qui pleure en fait et qu'on n'arrive jamais à attraper. Quand on s'approche, elle s'enfuit. Et c'est une pleureuse qui hante les forêts, qui hante les cimetières, qui hante les coins un petit peu désertés. Et c'est vraiment très très fort dans le folklore mexicain. Ça fait l'objet de nombreuses chansons populaires, notamment celle-ci dont on va écouter une version un petit peu plus rock'n'roll avec un groupe psychobilly espagnol que j'aime bien. Tout de suite, les Mentor Zombies avec le titre La Llorona. Los Dia de los Muertos à l'instant avec les Voodoo Glow Skulls, et c'était enchaîné juste avant avec un groupe espagnol, celui-là, les Motor Zombies, et le titre La Llorona. Les Motor Zombies, un groupe espagnol qui rendait hommage à ce fameux air mexicain, c'est un air traditionnel qui avait été repris notamment par Chavela Vargas pour la bande originale du film Frida, sur la fameuse peintre mexicaine, femme de Diego Rivera, un couple maudit, un couple mignon, un couple mythique, un couple d'artistes en l'occurrence. Et là, des artistes, bah, c'est des artistes, des musiciens dont je vous parle ce soir avec ces deux groupes, Psychobilly, pour le dernier, pour les Voodoo Glow Skulls, c'était plutôt du ska punk américain, californien, puisque la Californie est, pour des tas de raisons, un petit peu l'État américain le plus proche du Mexique, notamment parce que c'est l'État où il y a eu sans doute le plus d'immigrés mexicains. Nantes et Blaise à Donald Trump, qui sera peut-être élu ou pas ce soir. Allez donc savoir. Bref, chers amis, ouais, Voodoo Glow Skulls, Dia de los Muertos, c'est le thème ce soir. Et avec cet orchestre de cuivre, cette fanfare qui était un petit peu matinée de punk qu'on vient d'écouter un instant, on s'est vautré, et comme c'est jouissif, on s'est vautré dans les clichés. Eh bien, je vous propose de continuer. Et ça va vous plaire, les filles. Je vous prie de le croire. Puisqu'on va se vautrer dans les clichés, disais-je. Et tout à l'heure, je vous disais, oui, on va faire ça avec la nonchalance d'un bel Hidalgo mexicain. Hein. Eh bien, oui, un bel Hidalgo mexicain, un petit peu comme Zorro. Hein. Don Diego de la Vega, je suis sûr que vous avez fantasmé sur lui, ne me le cachez pas. Et justement, bah, Zorro qui avait fait l'objet d'un film il y a quelques années avec Antonio Banderas. Et dans la bande originale du film, pour revenir là encore à des bandes originales de films, eh bien, on retrouvait le groupe Los Lobos, les loups, décidément. Ça colle au thème de l'émission, Los Lobos, qui interprétait El Mariachi avec Antonio Banderas. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor, ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay. Tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Rodrigo et Gabriela, Diablo Roro, ou l'inverse, Roro. Bref, j'ai un petit peu de mal avec ma route, excusez-moi, ma prononciation en espagnol n'est pas terrible, le diable rouge en quelque sorte. Je suis sûr que vous l'êtes aussi après avoir dansé sur les quelques minutes que durait ce morceau de Rodrigo et Gabriela, qui est enchaîné juste avant avec une bande originale de film, Los Lobos et Antonio Banderas pour le titre El Mariachi. C'est la bande originale, je crois, du film Zorro, un personnage mexicain populaire ô combien fameux et connu. N'est-ce pas les filles? Allez, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sur Osmose Radio dans l'heure du loup. Ce soir, c'est une playlist consacrée au Mexique à l'occasion du petit hommage que je tenais à rendre pour faire écho à l'émission de la semaine dernière sur Halloween. Je tenais à rendre un petit hommage, disais-je, à au Dia de los Muertos, l'Halloween mexicain en quelque sorte, pour résumer ainsi. Et Rodrigo et Gabriela, c'est un duo mexicain justement qui ont démontré à l'instant, s'il en était besoin, que la musique acoustique peut être aussi énergique que la musique électrique qu'on a écoutée un petit peu avant. Et Rodrigo et Gabriela, en fait, ce sont un couple, je crois qu'ils sont couple à la ville comme à la scène, mais bon, cela ne nous regarde pas. Un couple, en fait, deux personnes qui interprètent à la guitare des airs comme ça et qui, curieusement, viennent du death metal et ont ce projet acoustique depuis une dizaine d'années. C'est un extrait de leur deuxième album qu'on vient d'écouter à l'instant, Diablo Roro. Voilà. Eh bien, tiens, puisqu'on parlait de Roro, eh bien, de trucs rouges, eh bien, on va continuer, mais on va évoluer un petit peu de style. On va aller vers le rock gothique dont la scène est assez riche au Mexique. On n'en entend pas trop parler parce qu'il y a le voisin américain qui est un petit peu envahissant à ce niveau-là, mais les Mexicains ne sont pas en reste, donc quelques groupes forts intéressants, notamment le duo de Mecro Kiev, un duo de Mexico, la moitié de la population mexicaine doit habiter à Mexico en même temps, vous me direz, donc il y avait une chance sur deux. Et Mecro Kiev, qui avait sorti un titre sur un petit label français, une petite compilation faite par un label français dont je vous donnerai les références si ça vous intéresse sur le Facebook de l'Heure du Loup. La compilation s'appelait Zombies et on pouvait y retrouver notamment plusieurs titres de groupes français, allemands, américains ou mexicains, et notamment ce groupe Mecro Kiev dont je vous avais parlé une paire de fois et jamais 203, tout de suite on écoute La Reina Rora. Gris, blanco, gris y rojo. La reina roja se está sangue in alta frequenza. Del transito si abrigo de sangre. Mars Volta Wax Simulacra, c'était enchaîné juste avant avec Mekrokiev, un groupe dans un style un petit peu différent mais tout aussi passionné, avec La Reina Rora, la reine rouge, et un instant Wax Simulacra, ce qui signifie peu ou prou un postiche de cire, une figure de cire. Ça me fait penser à autre chose, ce titre, figure de cire, parce que la semaine dernière on parlait des histoires qui font peur, tout ça à l'occasion d'Halloween, notamment on est parlé des creepypastas, des légendes urbaines, des trucs comme ça. Et bien j'en ai lu une qui était assez intéressante dans le folklore mexicain, enfin dans le folklore, dans l'histoire récente mexicaine, puisque c'était dans les années 1910 ou 1920, dans une petite ville du Mexique. Il y avait une taulière qui tenait une boutique de robes de mariée et qui a fini par disparaître, et parmi les gens qui ont repris la suite pour présenter les robes de mariée avait eu commandé un nouveau mannequin, avait confectionné un nouveau mannequin donc pour mettre en vitrine. Et il se trouve que ce mannequin de cire en l'occurrence ressemblait vraiment beaucoup à la dame qui avait décédé juste avant dans la même boutique. Et du coup ça a donné lieu à des tas de légendes fondées ou pas et qui ont la vie dure, hein, puisque manifestement elle ramène du monde dans la boutique, puisque presque 100 ans après cette histoire. La boutique de robes de mariée est une des qui a le plus de succès au Mexique. Il y a des gens qui viennent d'assez loin pour se faire confectionner leurs robes pour leur jour de leurs noces. Dans cette boutique-là, qui a une fameuse réputation à cause de ce vrai ou faux fantôme, allez savoir. Voilà, je vous mettrai un article qui vous détaillera les choses sur internet si le cœur vous en dit, mais voilà, je trouvais ça assez marrant, cette histoire, cette légende urbaine liée à la culture mexicaine, pour cette émission ce soir consacrée au Dia de los Muertos qui avait lieu la semaine dernière. Voilà, chers amis, je disais tout à l'heure que le Mexique, la culture mexicaine a inspiré beaucoup de gens. On parlait tout à l'heure des bandes originales de films. On connaît tous les films de Tim Burton qui s'en inspirent un peu, dans Les Noces Funèbres notamment, ou dans d'autres films. Peut-être certains d'entre vous, les gamers, vous connaissez le jeu Grim Fandango qui avait fait référence comme ça à la culture des morts mexicaines, etc. Avec Lemmy, ce fameux personnage, en fait un squelette ambulant, habillé avec un smoking. Vous savez, des références dans le cinéma aussi, notamment avec des tas de très très bons réalisateurs qui se sont imposés à Hollywood. Je pense notamment à Guillermo del Toro, qui a réalisé tant de bons films, à Alfonso Cuarón ou encore à Alejandro González Iñárritu. Je cite que ces trois-là, mais on peut remonter aussi à Luis Buñuel, hein, si on veut. Et donc, voilà, la culture mexicaine se diffuse plus qu'elle ne s'impose, finalement. Et c'est aussi pour ça qu'on la connaît peu ou prou. Je suis sûr que parmi ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas le Dia de los Muertos, peut-être avant ce soir, eh bien vous avez forcément vu des visuels, des maquillages, des œuvres d'art ou quoi qui faisaient référence à cette tradition culturelle mexicaine. Eh bien ça, c'est aussi le cas dans la musique où cette culture et cette incongruité culturelle du Dia de los Muertos, donc pour résumer je vous appelais ça l'Halloween mexicain, eh bien tous ces visuels, donc ces squelettes, ces crânes, la Catrina, la Llorona, les calaveras, ces petits bonbons en sucre en forme de crâne, tout ça s'inspirait aussi des visuels de pochettes d'albums, notamment celle de l'album de Punish Yourself, un groupe français qui en 2013 sortait l'album Holiday in Guadalajara, dont on va écouter un extrait tout de suite, She Bribed Me Drugs. Ça tombe bien, il y a beaucoup de narcotrafiquants au Mexique. Delirio Asesino, un titre du groupe Amdusia. C'est enchaîné juste avant avec Punish Yourself, des Français, ceux-là, avec le titre She Buys Me Drugs. Hein, la drogue, un sujet ô combien problématique au Mexique. Hein. Et donc voilà, deux groupes électro. Au Mexique, il y a une scène électro-indus, et plus généralement EBM, assez intéressante, avec des groupes comme Hocico ou celui qu'on vient d'écouter, Amdusia, qui, pour l'anecdote, en fait, est un nom qui est en fait le nom d'un démon qui souffre l'éternelle damnation dans les cercles des enfers. Voilà, les Mexicains sont très catholiques, mais de temps en temps, ça leur permet justement de connaître aussi tous les démons bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, en plus de leur folklore qui leur vient de l'époque précolombienne, qui a été un petit peu l'objet ce soir avec cette playlist qui touche à sa fin, une playlist consacrée au Dia de los Muertos. Alors, Delirio Asesino, délire assassin, hein, comme ceux que se tapaient les Aztèques avec les peuples autour d'eux. Hein, je vous renvoie au film de Mel Gibson, Apocalypto, ou à d'autres lectures sur le sujet, peut-être. Toujours est-il que l'histoire du Mexique a toujours été assez violente, et ceci bien avant l'arrivée des Espagnols, hein, ce qui n'excuse absolument pas les crimes qui ont été commis par les conquistadors, bien entendu. Voilà, mais nous, comme à notre habitude, on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu plus calme et quelque chose d'un petit peu décalé par rapport à ce qu'on aura écouté ensemble, donc du rock, de l'électro, etc. Et ce soir, ce sera avec une chanteuse tout à fait originale qui nous a quitté il y a quelques années malheureusement, une chanteuse mexicaine qui s'était exilée, elle travaillait au sein d'un cirque avec ses parents, je crois, et elle s'était exilée, elle parcourait un petit peu l'Amérique du Nord, et au Québec, elle avait fait rencontrer des musiciens avec lesquels elle s'était mise à chanter, et à la fin des années 90, elle avait sorti un premier album qui s'appelait La Llorona, justement, le personnage auquel je faisais référence tout à l'heure, la pleureuse qui hante certains coins du Mexique. Ce fantôme très très connu là-bas. Et sur cet album, en 98 je crois, La Llorona, elle sortait plusieurs titres, dont celui qu'on va écouter ce soir pour se quitter, chers amis, La Celestina, par Lassa de Cela. Merci à Nourdine, mon gentil technicien, qui a assuré la régie ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, chers amis. Bisous, bonne fin de soirée. Salut. No hay. ti state quieta, a ti te buscará seta y hacer hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata, y hacer hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces